Moi j'arrive baden sur la version. Pour ceux qui se moquent des bad blunts, pour ceux qui portent des bacs, des bad guns. Pour ceux qui supportent pas les blagues, les paf, les menottes, les coups de sabbat de Babylone. Ça barde qu'on salit l'homme, on reste méfiant à la vue du bleu. On se méfie de la vie de ceux qui écrivent les lois. La parole doit rester au peuple, mais pour l'instant j'en peux plus. Alors vas-y fais tourner la purple, car même les pleurs. Manifestation, protestation, complot, coup monté, coup d'état. Pour les démonter, leur démontrer, n'y ont rien fait, on assiste impuissant à la propagande de l'état. Moi je suis pas un pro, mais s'il faut je mets les gants et je les rétame. La situation est critique, sur ce EP je suis explicite. Si ce morceau je suis décisif, parce que mes gens sont trop actifs. Nerf à vif en temps de crise, la fondation rebranche les prises. Les faux attrapent des crises d'anus, la rue me donne que du bonus. Pas de manus dans mon clan, notre victoire à tes dépens. À tout tournant vous attend, l'état les traite et les décompte. Trop de conflits, trop de patates, trop de bleus qui frappent assise du map depuis tout ce temps que je traîne. Ma salle en gueule, ma salle de gueule. Aujourd'hui rien n'a changé, difficile de se ranger. Plein à se mettre sous la dent et tout le monde veut manger. Parce que la vie est brutale, ce genre d'histoire ça finit mal. Sur le trottoir criblé de balles, voire au milieu carcéral. Dans ce monde de mépris où la survie m'a appris, je suis né seul, j'ai grandi seul. Donc si je m'en sors, c'est pour ma gueule. Y'a des jours où le manque d'argent m'étouffe. Je suis à bout au bord du gouffre, j'ai même plus le temps de reprendre mon souffle. L'état j'assassine, envoie ses acides pour de la résine. L'état s'imagine qu'on n'a pas crié toute leur combine. Trafic d'héroïne, de cocaïne et même de canine. Pas les mêmes racines, l'Afrique, la France ne sont pas cousines. Pendant qu'elles tapinent, nous on pisse, s'approprie leur paye. Nos cœurs saignent, poignardés par la rage. La rage, les flics viennent sourer, bourrer. C'est des victimes ou les bourreaux. Venus pour Taro, y'a que le genre qui donne le bas. La poteau, toujours pas roulé par roue du 946 gros. Nous, ce qu'on voulait c'était s'en sortir. Changer de vie, réussir, s'en sortir. Mais les temps ont changé, l'espoir est mort en danger. Mec j'ai la haine, le seum face au système. Toujours les mêmes, qui prennent des grosses peines, mère en peine. Toujours les mêmes, qui se crèvent à fleurir, freine. Toujours les mêmes, à qui on dit jamais je t'aime. Toujours les mêmes qui roulent en mer qu'au PM. Toujours les mêmes qui tapent pas contre la flemme. Toujours les mêmes joint le seum testé par de Henkel. Et les années passent, mes potes veulent nous foutre les passes. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Affaire de barrette, y'a pas de baraque sans barrette. Serviteur sans père, un père tu tires ta barrette. P38, cartouche taille 38. Réfractaire, en grand conflit. Pour moins que d'état, en France à 15 doigts d'être en conflit, course poursuite. Dans la cour des grands y'a poursuite. Tablier, serviette, peignoir, chacun fait sa promenade. Ou sa poursuite, ça se promène, malmène. Moindre petit bâtard en promenade, ça revendique. En tout état de cause, il y va de soi qu'en France. Chaque individu ici est pour quelque chose. Dans l'état avec ses princes, de princesse. Enlève ta robe, on te craque toi et ta robe de princesse. Le doigt sur la gâchette, on se fait comprendre tant bien que mal. Pas de découpeur, un commun malfaiteur, chacun ramène son beurre, tant bien que mal, tant bien que mal. La fume fait baver, partout je passe, laisse des traces. Malade comme un bovin dans ma tête, euphorie et stress. Je fume club sur club comme si j'étais au rap. Vite classe, donne-moi un broly que j'efface. Tous ces bâtards incapables de gérer. Mon gars, mon Renoir s'en va être aéré. Dans le ghetto, parmi soldes et faka. Ça craint, la secra, ministre à la secla. Pour ressentir chaque vibration de son son. 9, 4, 6 ans pour la prise de position. Choisis, j'habite, HB, QG. Tout se me trouvait par un Douma. Qu'un free mafia pour la fondation. Mais ce sera seul contre tous, tous contre seul. Au bout du compte, ce sera seul, seul de mon monde. Et seul, je finirai ton maton. Gonflé à bloc, comme un 16 soupape. J'arrive encore plus compact que si la réalité est une pute. Les autres flats, je les baise en brochette. Car quand mon regard fait la ronde, chaque minute qui s'étombe, ça résonne dans ma tête comme un coup de fusil à pompe. On dit que le rap incite à la violence. Pour ceux qui prêchent la violence, pour une prise de conscience. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joints enfermés en zones ou dans des bâtiments. La peur de ne réussir dans la vie n'assaille pas tous mes frères. De la même manière dans la vie, caille toute manière